Beaucoup veulent survoler les merdes en égalant le faucon. Et c'est ce qui compte, c'est l'ivresse. Choisis bien le flacon. Je souris car la chaîne tes productions retentit du balcon. Allez leur dire aux étiqueteurs des émissions, le rap n'est pas qu'un foutu recueil d'âmes en perdition. Et comme la mine est stade, un bon son me donne des frissons. Une brise dans cette débauche musicale que nous méprisons. Pour certains, journal de bord ou propos de comptoir, moi j'ai fondé mes textes à l'abri de l'appétit du code barre. Et si dans No Man's Land, j'en vois certains déraper, j'pose pas le casque à terre, c'est ma microphone thérapie. Échappatoire émotionnel sur une feuille de papier, je me purge dans mes écrits, inspire l'effet papillon. Et quand vient le temps du carillon, seul les dalles subsistent. Peut-être galérien parmi tant d'autres, mais j'm'accroche et persiste. J'suis fatigué, perds ma vie, porte bien la vibre, ivre de tous ces sons, sous cette emprise, hip hop passion. Mais passons, c'est ça depuis le début, cagnon pé de vis. Pour beaucoup est une devise, dans mon impro, faut pas que je dévisse, que je détruise ce que j'ai acquis. Maladroit parfois, la mélodie, je la parfume. Deuxième, un poids-plume qui lâche pas sa plume. Avec mon groupe, on pourrait dire que c'est la rentrée. Nouveau projet, nouvelle combinaison de l'ambition qu'on combine avec un cri dans l'immédiat et rapper des médias. On est dans l'under, Matler, c'est carré et la hardeur qui me frappe. Nombre de codes sur terrain, c'est M-Landers. Matler, c'est carré et la hardeur qui me frappe. Nombre de codes sur terrain, c'est M-Landers. Ici, j'arche pas d'aide, ici, leur rap c'est dead. Pas de balade que des raids. Et si ma plume tombe en rade, j'ai du propane dans mon gros crâne pour passer de la banane au stand-by. Devient banal le stade bas. J'suis pas un de ces connards qui se croient à Bagdad. Des fois j'ai des émotions, j'ai pas que des black crades. Car faut que ça dégomme comme un rhum des dom-tom marqué dans mes atomes. Laisse tomber l'ultimatum, fais pas voir tes hématomes. La chance faut que tu la tannes. Ma team solide comme un platane, j'veux l'entendre sur tes platines. J'fonce à la vacom, j'te pousse pour la secousse. DTH à la rescousse, car ton son sent le sconce.